Ici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional. C'était la dernière compétition de patinage de vitesse sur courte-piste. En fin de semaine, il y en avait deux. Il y en avait une qui se déroulait à Trois-Rivières et l'autre à une compétition régionale à Robertval. D'abord, ce qu'il faut surveiller chez les filles, Flavie Larocheroy a terminé au 8e rang. Karina Montmeigny, 12e. Marianne Gay de Saint-Félicien, 16e. Et également Mélina Tremblay, 23e. Et à Robertval, il y avait une compétition également qui nous intéressait dans les différentes. On va vous donner ceux et celles du Haut-du-Lac qui ont performé. D'abord, dans les 6 ans à 9 ans, groupe mixte, à noter que Jérôme Girard de Dolboum-Sessigny a pris le 4e rang. Également, du côté du 6 ans et 9, groupe 4 mixte, à noter que Maëlle Gay de Robertval a pris le 3e rang. Du côté maintenant, du 6 à 9 ans, groupe 7 mixte, Kathleen Auclair de Saint-Félicien, 2e. Jordan Desbiens de Robertval, 4e. Et également Ariel Bouchard de Dolboum-Sessigny, 9e. Et dans le 6-9 ans, groupe mix 2, à noter que la 2e position de Ethan Croussette de Robertval. Donc, c'était la dernière compétition. Au cours de la journée, on fait une entrevue avec David Simard qui va venir nous parler de qu'est-ce qui. De l'année en général dans la région et également de la dernière compétition qui a lieu une à Trois-Rivières et l'autre à Robertval. On va parler maintenant que du côté des Loups de Dolboum-Sessigny, ils ont été éliminés en fin de semaine dans la catégorie Midget A. En fin de semaine, c'était dans le cadre d'un tournoi à la ronde. Ils ont perdu 2-1 contre Robertval. Et l'Assemblée générale du club de golf de Chibougamau aura lieu demain soir à la salle du club du golf. Donc, une invitation est faite aux différents membres du milieu. J'ai vu la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec Sébastien Morin, descripteur des matchs des Saguenayens. Et vous pouvez également écouter l'entrevue que j'ai réalisée avec Anthony Auclair, qui avait fait écarquiller les yeux des recruteurs de la NFL lors du Pro Day qui a eu en fin de semaine dernière à Québec. Sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.